J'en apporterai deux de pareille longueur. Monsieur, que signifie ? En 1650, j'étais très amoureux. J'habitais Alicante. Un jeune homme bien fait, beau comme les amours, regardait de fort près ma maîtresse et toujours passait sous son balcon devant la cathédrale, plus fier qu'un capitaine sur la barque amiral. Il avait nom Vasquez, seigneur, quoique bâtard. Je le tuai vers l'an 66, plus tard. Gilles, comte d'Iscola, cavalier magnifique, envoya chez ma belle appelée Angélique avec un billet doux qu'elle me présenta, un esclave, nommé Griffel de Viserta. Je fis tuer l'esclave et je tuai le maître. Monsieur... Plus tard, vers l'an 80, je crus être trompé par ma beauté, fille aux tendres façons, pour Tirso Gamonal, un de ces beaux garçons dont le visage altier et charmant s'accommode d'un panache éclatant. C'est l'époque où la mode était qu'on fit ferrer ses mules en or fin. Je tuai Don Tirso Gamonal. Mais enfin, que veut dire cela, monsieur ? Cela veut dire, comte, qu'il sort de l'eau du puits quand on en tire, que le soleil se lève à 4 heures demain, qu'il est un lieu désert et loin de tout chemin commode aux gens de cœur, derrière la chapelle, qu'on vous nomme, je crois, César, et qu'on m'appelle Don Gaspar Guritan Tassisi Guevara, comte d'Oñate. Bien, monsieur, on y sera. Un duel, avertissant la reine. En vos études, s'il vous plaît de connaître un peu mes habitudes, pour votre instruction, monsieur, je vous dirai que je n'ai jamais eu qu'un goût fort modéré pour ces godes de l'Uro, grands friseurs de moustaches, beaux damarets, sur qui l'œil des femmes s'attache, qui sont tantôt plaintifs et tantôt radieux, et qui, dans les maisons, faisant force clin d'yeux, prenant sur les fauteuils d'adorables tournures, viennent s'évanouir pour des égratignures. Mais je ne comprends pas. Vous comprenez fort bien. Nous sommes tous les deux épris du même bien. L'un de nous est de trop dans ce palais. En somme, vous êtes écuyer, moi je suis majordome, droit pareil. Au surplus, je suis mal partagé. La partie entre nous n'est pas égale, j'ai le droit du plus ancien, vous le droit du plus jeune, donc vous me faites peur. À la table où je jeûne, voir un jeune affamé s'asseoir avec des dents effrayantes, un air vainqueur, des yeux ardents, cela me trouble fort. Quant à lutter ensemble sur le terrain d'amour, beau chant qui toujours tremble, de fadaise, mon cher, je sais mal faire assaut, j'ai la goutte. Et d'ailleurs, ne suis point assez sot pour disputer le cœur d'aucune Pénélope contre un jeune gaillard si prompt à la syncope. C'est pourquoi, vous trouvant fort beau, fort caressant, fort gracieux, fort tendre et fort intéressant, il faut que je vous tue. Eh bien, essayez. Comte de Garofa, demain, à l'heure où le jour monte, à l'endroit indiqué, sans témoins ni valets, nous nous égorgerons galamment, s'il vous plaît, avec épée et dague, en dignes gentilshommes, comme il sied quand on est des maisons dont nous sommes. Pas un mot de ceci, n'est-ce pas? À demain. Non, je n'ai pas du tout senti trembler sa main. Être sûr de mourir et faire de la sorte, c'est un brave jeune homme. On ouvre cette porte.